Chapitre 14. Vous ne montez pas à cheval ce matin ? Demanda Antoinette qui descendait le perron en Amazone. Le comte répondit : Mais non, je déjeune à la Rosière, je vais y aller à pied, et je verrai en route mes ouvriers. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit ? Quoi ? Que je déjeunais à la Rosière, un déjeuner assommant, que je ne pouvais éviter. Elle ne répondit pas. Cette façon de se plaindre de ce qui était la vraie raison d'être de sa vie, cet ennui affecté, la mettait hors d'elle. Elle passait sur tout, sauf sur cela. « Attendez, je vais vous mettre à cheval. » Quand sa femme fut montée, il prit le petit pied qu'elle lui tendait et le garda un instant enveloppé dans sa main, le serrant tendrement avant de le poser dans l'étrier. Et Antoinette, toute remuée de cette caresse, s'éloigna brusquement, répondant à peine à l'adieu de Guy, attristée à la pensée que ce matin-là encore, il lui échappait. Elle marcha sans but, ne sachant pas où elle allait, laissant flâner à sa guise Master Punch, tout surpris de cette liberté inaccoutumée. Et le cheval se mit à tournailler dans les avenues, n'osant pas rentrer tout droit à son écurie, mais ne voulant pas non plus s'en éloigner. Tout à coup, Antoinette s'arrêta. Derrière elle, la voix de Guy l'appelait. « Toi non, hé ! Toi non !» Il arrivait, pimpant et jeune, dans un vêtement gris qui lui allait bien, un gros bouquet à la boutonnière. Il vint s'appuyer contre l'épaule de Master Punch, frôlant la jambe d'Antoinette et la regardant souriant de son bon sourire, si étonnamment jeune et épanouie. « Mais toi non, vous êtes jolie !» Elle répondit, plaisantant pour cacher la satisfaction qu'elle éprouvait de ce banal compliment. « Charmante, c'est convenu ?»« Eh oui, charmante, et vous le savez bien. Je vous aime, ma toi non. Moi aussi, je vous aime. » Sa voix tremblait. Elle eut voulu l'embrasser, le remercier de ses douces paroles. Il tira sa montre. « 11h30, je suis en avance. » Cette réflexion impressionna désagréablement Antoinette. Son regard se durcit, ses lèvres perdirent leur sourire tendre et bon. Le comte qui vit ce changement demanda « À quoi pensez-vous » Elle devint pourpre et répondit « Mais à rien. Allons, adieu. Il ne faut pas vous mettre en retard pour votre déjeuner. J'ai bien le temps. » Et suppliant, il ajouta « Mais toi non, ne pars pas encore. Laisse-moi te regarder un tout petit peu, veux-tu ?» dit « Tu es si gentille à cheval. » Elle se sentait devenir nerveuse. Une sorte d'irritation la prenait. Elle répondit « Non, à quoi bon ? Laissez-moi partir. » Comme il retenait le cheval, elle insista « Je vous en prie. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'aime mieux m'en aller. « Pourquoi ?»« Je ne sais pas, je vous dis. » « Comment, tu ne sais pas ?» Et devenu presque sérieux, il ajouta « Je te trouve toute drôle depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu as ?» Il s'approcha plus encore du cheval et appuyant sa joue contre le genou d'Antoinette, il murmura, le regard inquiet, la voix timide. « J'ai peur que tu m'aimes moins. » Cette fois encore, elle eut envie de s'abandonner, d'avouer sa jalousie, mais elle s'arrêta, retenue moins par une mauvaise honte que par la conviction absolue que tout ce qu'elle dirait ne modifierait rien. Elle fit tourner Master Punch si brusquement que Guy, qui ne s'y attendait pas, faillit tomber en perdant son point d'appui. Il s'éloigna au galop en lui criant d'une voix enrouée par l'émotion « Ah non, je ne vous aime pas moins !» Il resta planté au milieu de l'avenue, surpris, un peu inquiété aussi, par l'angoisse qu'il avait sentie dans la réponse de sa femme. L'idée qu'elle pouvait souffrir lui vint à l'esprit, mais bien vite il la repoussa. « Souffrir, et de quoi ?» Il réfléchit encore un instant, puis il murmura « Ah, les femmes, toutes les mêmes !» Elle reprit sa marche, pressée et souriant, car il apercevait la grande ombrelle japonaise de Germaine qui se balançait à l'entrée du chemin de la Rosière. Quand le comte rentra à 7 heures, sa mère était seule dans le salon. Il demanda « Tiens, toi non n'est pas rentrée. Elle n'est pas sortie, elle doit être chez elle. Est-ce qu'elle est malade ? Pas du tout. Elle est restée avec moi jusqu'à 5 heures. Pauvre petite, ça n'est pas très réjouissant pour elle de tenir ainsi compagnie à une vieille femme. » Le comte se mit à rire. « D'abord, maman, vous êtes plus jeune que nous tous. Ensuite, toi non, vous adore. » Et comme la douairière faisait un mouvement. « Oui, c'est facile à voir. Elle est incapable de dissimuler ce qu'elle éprouve. Ainsi... » La vieille femme regarda attentivement son fils. « Incapable de dissimuler ce qu'elle éprouve, crois-tu ? » Elle s'arrêta. liée par la promesse de ne jamais parler de rien qu'elle avait faite à Antoinette et craignant déjà d'en avoir trop dit. Mais Guy ne s'était pas aperçu de la remarque de sa mère. Il reprit machinalement, sans même penser à ce qu'il disait. « Elle vous adore, oui, parfaitement. »« Soit, elle m'adore. » »« Mais comme, lorsqu'elle t'a épousé, elle ne m'avait jamais vue, tout me porte à croire que ce n'est pas uniquement dans le but de me consacrer sa vie qu'elle est devenue ta femme. » M. Détiole, qui cette fois écoutait, demanda « Pourquoi dites-vous ça, maman ?»« Mais, » murmura le douairière, embarrassée, « mais parce que je... Il me semble que cette pauvre Toinon est un peu bien souvent réduite à ma seule société. Oh, je sais fort bien que je ne suis pas une vieille grognon ni tracassière, mais enfin, je suis une vieille tout de même. Est-ce que Toinon vous a dit quelque chose ? Elle ? Ah, grand Dieu, non ! Ça m'aurait étonné. Je sais que mes sorties lui sont absolument indifférentes. Elle n'est pas jalouse. » Et courant au devant de sa femme qui entrait, « N'est-ce pas, ma Toinon ? N'est-ce pas quoi ? Que vous n'êtes pas jalouse ?» Surprise à l'improviste par cette question à laquelle elle ne s'attendait guère, Madame d'Étiol rougit et balbutia, saisie, effarée, « Jalouse, moi ?» Puis se remettant peu à peu, elle acheva résolument, « Jamais de la vie !» Tandis qu'Antoinette, de ses grands yeux d'un vert limpide et doux, interrogeait sa belle-mère, demandant une explication, le comte, qui déjà pensait autre chose, s'écria, « Assommant le déjeuner de la Rosière, tout à fait ce que j'avais prévu, j'ai cru que ça ne finirait jamais !» La douairière allait faire observer que s'il s'ennuyait si fort, il aurait pu rentrer plus tôt, mais il ne lui laissa pas le temps de parler. « Et demain, ça recommence ?» Elle demanda. « Tu déjeunes encore à la Rosière ?»« Ah non, demain c'est l'ouverture, je déjeune chez Jacques, mais c'est le soir. »« Quoi, le soir ?»« Eh bien, c'est le soir que je conduis Madame de la Soleil au théâtre. Il faudra que je cesse de chasser à 4 heures. » Il se tourna vers sa femme. « Savez-vous, toi, non, ce qui serait tout plein gentil, ce serait de venir me chercher chez Jacques à 4h30. Il vous montrera les roches. Ce pauvre Jacques, il en grille d'envie. Et vous verrez le plus beau château de Lorraine. Ah, il n'y a pas à dire, c'est très chic. Et puis au moins, je serai avec vous pendant la route. Sans ça, comme je pars à 6h du matin pour rentrer à minuit, je ne vous verrai pas de toute la journée. » Elle répondit, docile et résignée, « Mais je veux bien aller vous chercher aux roches, moi. »